Chapitre 8e. Il a souvent été question dans cet ouvrage des peuplades noires indépendantes qui habitent le Haut-Maroni et qui, sous le nom de Bosch, Yuka, Pouligoudou et Boni, atteignent le respectable chiffre de 6 à 7 000 individus. Les peaux rouges, qui forment le fond de la population aborigène de l'Amérique intertropicale, abrutie par l'alcool, décimée par la variole, sont appelées à disparaître prochainement. En revanche, cette vaillante race noire, transportée en temps maudit de l'esclavage des côtes de Guinée, de Crou et du pays des Rongous, fait merveille sur cette admirable terre de Guyane, si hospitalière aux hommes et aux végétaux du vieux continent africain. L'histoire de ces peuples remonte à 170 ans déjà, et il est non seulement intéressant mais essentiel de l'écrire, car ces héros obscurs, après avoir intrépidement combattu pendant 60 ans contre la tyrannie, ont pu écrire avec leur sang ce mot magique de liberté au livre d'or des nations indépendantes. Les ancêtres de ces paisibles riverains du grand fleuve des Guyanes étaient donc ces terribles nègres marrons qui soutinrent contre les troupes disciplinées de la Hollande d'interminables luttes toujours meurtrières, souvent victorieuses. Chose curieuse, l'intervention de la France dans les affaires de la métropole néerlandaise fut la cause du premier soulèvement. L'amiral Cassar, étant venu attaquer la ville de Paramibo avec une flotte de 5 navires, portant ensemble 274 canons, la colonie ne put éviter une ruine totale qu'en payant une contribution d'environ 1,5 million. C'est de cette époque, dit également le commandant Frédéric Bouillet, dans son remarquable ouvrage sur la Guyane, que date la désertion des Noirs. Les colons néerlandais, taxés à temps par tête d'esclaves lors de la répartition de la contribution, engagèrent leurs Noirs à s'enfuir dans les bois jusqu'au départ des Français pour éviter le recensement. Cette manière déloyale de remplir leurs engagements ne leur profita guère, car si beaucoup des fugitifs revinrent aux habitations, un certain nombre restaient dans les bois et formèrent le noyau autour duquel se groupèrent les marrons fuyant l'enfer de l'esclavage. 14 ans après l'expédition de Cassar, c'est-à-dire en 1726, leur nombre s'accrut de telle sorte qu'ils portèrent ombrage aux planteurs. Ceux-ci eurent la malencontreuse idée de leur déclarer la guerre. Ils furent si complètement battus que la colonie dut reconnaître, par des traités réguliers, l'existence de ceux dont la veille encore le fouet du commandeur ensanglantait les flancs. Cependant, les désertions continuent de plus en plus nombreuses. De nouveaux clans commandés par les chefs indépendants viennent se grouper sur les rives de l'Awa et du Tapanaoni. La liberté de ces marrons n'étant pas reconnue par le gouvernement colonial, et leur voisinage semblant dangereux aux propriétaires dont ils ravagent les habitations, de nouvelles expéditions sont résolues. À deux reprises différentes, ils préviennent l'attaque qui va fondre sur eux et battent les colons en 1749 à Saramaka et en 1761 à Yuka Creek. Le gouvernement de Paramaribo est une seconde fois forcé de reconnaître les belligérants qui se constituent sous le nom de Yuka, qu'ils portent encore aujourd'hui. Les Hollandais, voyant que la rigueur n'a jusqu'alors obtenu aucun succès, s'ingénient à se faire bien venir de leurs anciens esclaves. On leur rend des honneurs, on les accable de politesse et de cadeaux, on s'en fait des alliés, et l'on se sert d'eux, moyennant une prime assez forte en argent et en marchandises pour amener les Noirs fugitifs. Leur fidélité à exécuter cette dernière clause reste à ce moment, et quoi qu'on en ait dit, fort problématique. L'esclave marron reçoit, sauf de rares exceptions, une hospitalité fraternelle dans la hutte du nègre libre. La meilleure preuve, c'est que le nombre des nègres boches, les nègres des bois, qu'ils se donnèrent en principe, et que portent encore aujourd'hui ceux de la Guyane hollandaise, atteignit le chiffre de plus de 4 000. En 1881, les boches, habitant la rive gauche du Maroni, sont disséminés dans 14 villages, commandés chacun par un capitaine qui connaît des affaires correctionnelles. Ils prononcent la peine du fouet ou une amende proportionnée à l'importance du délit. Ces capitaines reconnaissent pour suzerain un chef électif, nommé Grandman, qui habite généralement aux trois îlets, Drié-Tabetier. Il est le président des assises où sont jugées les fautes graves. Les capitaines sont les jurés de ces assises. Enfin, chacun d'eux possède pour emblème de sa dignité une canne de tambour-major à pomme d'argent, sur laquelle sont gravés en hollandais le nom du titulaire et celui de son village. Seul le grand man porte un immense hausse-col d'argent. ornée à chaque point d'une tête de nègre. À la place d'honneur de sa case, les Noirs du Maroni ont conservé à leurs habitations la configuration des huttes africaines. S'étale un large parchemin scellé de cire rouge aux armes de la Maison d'Orange. C'est la charte par laquelle le gouvernement néerlandais a reconnu, en 1761, l'indépendance des Boches et que ceux-ci conservent précieusement de génération en génération. La population libre du Haut-Maroni s'accroissant de jour en jour, une scission devient inévitable. Les nouveaux venus ne participant pas aux bénéfices de leurs devanciers, une épouvantable révolte éclate en 1772 sur un des affluents de l'Awa, nommé la Kotika. Elle a pour chef un homme d'une énergie extraordinaire, allié à un rare esprit d'organisation. C'est Boni, un noir auquel sa mère, esclave fugitive, donne la naissance en plein bois. Boni, le véritable héros de l'indépendance, qui a donné son nom aux noirs habitant aujourd'hui la rive française du Maroni. Il groupe autour de lui les dissidents et compromet gravement le sort de la colonie anglaise. Les milices coloniales s'enfuient éperdues devant lui. Il triomphe sur toute la ligne. Son nom est dans toutes les bouches, et telle est son audace, sa bravoure et son habileté de stratégiste des bois, qu'il faut demander à la métropole un corps de troupes d'élite pour les combattre. On croit rêver, en lisant le récit de la campagne fait par le capitaine Stedman, un des rares survivants de cette terrible expédition que commandait le colonel Fourgault. 20 corps expéditionnaires, de 60 hommes, soit 1200 soldats, composant chacun une petite armée, s'avance à travers la forêt vierge. L'ordre le plus absolu préside à tous les mouvements. L'on a affaire à un ennemi infatigable qui semble posséder le don d'ubiquité. On l'attend sur la droite et l'enfonce le centre. On compte l'envelopper en opérant un mouvement tournant sur la gauche et il tombe sur les derrières, égorge les hommes isolés, enlève les sentinelles, pille les convois, multiplie les obstacles, se joue des dangers, harcèle le gros de la troupe et fait périr de fatigue et d'insomnie ceux qui épargnent les balles et les flèches. Et pourtant, le colonel Fourgault est un homme rompu à la vie d'aventure. Il connaît comme personne cette guerre d'embuscade. Il ne s'arrête pas plus devant les obstacles matériels semés par cette terre implacable sous les pas des Européens que devant les coups des révoltés. Impitoyable pour ses hommes comme pour lui-même, il traverse impassiblement les criques, les forêts, les savanes noyées, les marais sans fond, les montagnes hérissées de roches. Insensible aux souffrances de tous comme aux siennes, il brave les miasmes, les insectes, les reptiles, la fatigue, la maladie, la faim. Tout plie devant cette énergie de fer, l'ennemi lui-même est sur les dents. Son ordre de marche pour une compagnie de 60 hommes est une merveille d'organisation. Deux noirs sapeurs, armés de haches et de sabres d'abattis, ouvrent un sentier. Ils sont suivis de deux soldats marchant en éclaireur, puis vient l'avant-garde composée d'un officier, d'un caporal et de 6 soldats. Le corps de bataille proprement dit est divisé en 2 parties. La première comprend un capitaine, un chirurgien, un caporal, 12 soldats et 2 noirs portant les munitions. La seconde, 12 soldats commandés par un sergent. L'arrière-garde consiste en un officier, un sergent, 18 soldats et 16 nègres pour porter les vivres, les médicaments, les blessés, les malades. 2 hommes et un caporal ferment la marche. Total, 3 officiers, un chirurgien, 2 sergents, 3 caporaux, 52 soldats, 2 sapeurs, 2 porteurs de munitions et 16 charroyeurs, en tout 81 hommes, dont 60 combattants. L'on a peine à concevoir que Boni et les siens, à peine égaux en nombre aux Hollandais, aient pu tenir aussi longtemps contre des forces pareilles. Nous avons dit que le corps expéditionnaire du colonel Fourgault comprenait 20 détachements organisés comme ci-dessus. L'ordre, la discipline, la tactique civilisée et surtout un procédé de destruction consistant à brûler les villages et à ravager les récoltes, triomphèrent de l'insurrection. Boni, blessé lors de la prise du village de Gadousabi, fut enfin forcé de reculer. Sa retraite fut admirable. Il guida ses hommes par des chemins connus de lui seul. Épuisé, mourant de faim, la poitrine ensanglantée, il encourage les faibles, soutient les malades, combat encore avec ceux qui peuvent tenir leurs armes, arrive au bord du Tapanaoni, le franchit le dernier et se retire fièrement, toujours redoutable dans sa défaite. L'insurrection était vaincue, mais la Hollande payait chèrement la victoire remportée sur l'esclave fugitif. Sur 1200 hommes envoyés de la métropole, 100 à peine revirent leur patrie. 30 officiers, dont 3 colonels et un major, avaient péri. Longtemps après la mort de leur chef, les Boni, moins bien organisés que les nègres Boches, et surtout moins nombreux, subirent peu à peu une sorte de servage de la part de leurs voisins. Les Boches prétendirent monopoliser le commerce avec le bas Maroni et empêcher les Boni de correspondre avec les Européens. Cet état de choses dura jusqu'au jour où fut fondée la colonie de Saint-Laurent, qui devint rapidement prospère. La France jusqu'alors avait délaissé le Maroni. Elle comprit l'importance de cette immense artère navigable sur un parcours de près de 100 kilomètres. Elle protesta contre le servage imposé par les Boches aux Boni habitant le territoire français. Les positions respectives des peuplades rivales, occupant les deux Guyanes, furent rigoureusement établies au retour d'une brillante expédition franco-hollandaise organisée en 1860 par M. Vidal, lieutenant de vaisseau de la marine française. La liberté de commerce et de navigation furent également proclamées. Depuis quelques années, d'excellentes relations d'amitié se sont établies entre les Boni et les chercheurs d'or de la région. Ils vont, viennent, chassent, pêchent, et trafiquent librement avec notre colonie. Leur grande douceur et leur probité rendent les rapports avec eux extrêmement agréables. Leur vigueur colossale et leur incomparable habileté comme canotiers en font d'utiles auxiliaires pour notre industrie aurifère. Ils transportent non seulement au Placer, Saint-Paul, Espérance, Manbari, Hermina, etc., les provisions apportées de Cayenne à Saint-Laurent par les goélettes, mais ils s'en vont jusqu'à Mana, en suivant la côte dans leur pirogue légère, et font pour le compte des placers une campagne productive comme chez nous les moissonneurs à l'époque des récoltes. Les approvisionnements terminés avant la saison sèche, ils reviennent à Kotika après un voyage de 20 à 22 jours. Ils rapportent en paiement de leur travail des objets de toutes sortes dont la possession amène un bien-être inexprimable jusqu'à ces points reculés. Enfin, l'administration supérieure ne néglige aucun moyen d'entretenir ces excellents rapports avec eux. Ils sont traités en véritable enfant gâté, sans jamais chercher à se prévaloir de ces prérogatives dont les Boches se montrent quelque peu jaloux. Le grand man actuel, Anato, familièrement appelé Anatole par les Blancs, émarge annuellement au budget de la colonie la somme de 1200 francs, payée par mensualité de 100 francs à la caisse municipale de Saint-Laurent. Cette générosité n'est pas perdue, au contraire, car le descendant du grand chef Boni s'applique d'autant plus à maintenir la bonne harmonie entre ses sujets, dont le nombre atteint 1 000 000 environ, et tous les riverains de notre grand fleuve. Angoussou appartenait à cette vaillante peuplade, aujourd'hui française autant par le cœur que par la position géographique. 10 ans auparavant, Robin lui avait dit « Garde le secret de notre retraite ». Et le brave noir avait observé une discrétion tellement absolue que sa femme et ses fils avaient toujours ignoré cet épisode de sa vie. Il s'était souvenu aussi de l'offre faite par le proscrit. « Si tu cours en danger, si la famine désole ton village, viens, tu viendras avec nous, tu seras de la famille. » Il accepta simplement cette proposition si fraternellement faite, le jour où le malheur s'abattit sur les siens. Pour la seconde fois en 30 ans, le petit village habité par la famille d'Angoso venait d'être ravagé par les Oyakoulé. Une singulière légende court sur ces derniers, que les Européens n'ont jamais vu jusqu'à présent et qu'ils ne connaissent que d'après les récits plus ou moins fantaisistes des Noirs et des Peaux-Rouges, littéralement affolés au seul mot de « Oyakoulé ». Les Oyakoulé, disent-ils, sont blancs comme les hommes d'Europe. Ils ont une stature de géant, une vigueur incomparable, de longues barbes fauves, des cheveux blonds, des yeux bleus. Ils sont anthropophages et paraissent plonger dans la barbarie la plus grossière. Ils ignorent généralement l'usage du fer, se servent d'énormes massues de bois trop lourdes pour le bras des autres hommes. Ils dédaignent les peintures, les tatouages ainsi que tous les ornements et vivent entièrement nus. Ils sont absolument insociables et font sans provocation la guerre aux Noirs comme aux Indiens. Robin et ses fils écoutaient en marchant cette monographie que faisait Angoso dans son patois créole, avec des détails dont la précision indiquait un rare esprit d'observation. « Mais, mon cher Boni, disait le proscrit intrigué et intéressé tout à la fois, es-tu bien sûr que les Oyakoulé ne sont pas une tribu d'Indiens, qui, vivant toujours sous les grands arbres, à l'exemple des Oyampis, ne sont pas brûlés par le soleil ?»« Non, compère, non, croyez-moi, les Oyakoulé ne sont pas des Indiens. » Tu sais bien pourtant que certains Oyampis ne se teignent pas en roucou, qu'ils ne tracent pas sur leur corps des dessins au génipa, et qu'ils ressemblent à s'y méprendre aux gens de mon pays. Mais les Indiens n'ont pas de barbe, mais ils ont les yeux bridés aux tempes et le nez écrasé, tandis que les œillets coulés ont les yeux ouverts comme les vôtres, le nez recourbé comme le bec de Lara, et une barbe aussi longue que celle qui couvre votre visage. Ça même, disaient doucement les deux jeunes Bonnie, Lomi et Bachelico. Tu les as bien examinés, tu les as vus de près, en plein jour, sous le soleil. Angosso montra le bandeau entourant son front et brandit son sabre. La hache de pierre de l'un d'eux a fendu ma tête, mais mon sabre a fouillé bien les poitrines. Je me suis battu. Allez, compère, je ne crains rien au monde. Eh bien, aussi vrai que je n'aurai gadou et que je suis votre ami, j'ai eu peur. Voyons, mon brave compère, raconte-moi tout ce que tu sais sur ces hommes extraordinaires, et dis-moi comment ils ont pu ravager un village, défendu par des hommes forts et intrépides comme les Bonnie. Angosso se recueillit un moment, cracha deux fois pour chasser Yolok, et commença ce récit absolument authentique. Il y a longtemps, bien longtemps, mon père était encore un homme dans la force de l'âge et moi j'étais tout petit. Les Bonnie et les Oyakoulés, fatigués de lutte, résolurent d'un commun accord de faire trêve à leur antique haine. Les Oyakoulés invitèrent les Bonnie de mon village à venir chez eux, manger la galette sacrée et boire le pivori des grandes cérémonies. Les Bonnie sont braves et forts. Ils croient la parole jurée et sont esclaves de leurs promesses. C'est le seul esclavage qu'ils veulent reconnaître, ajouta fièrement en aparté le descendant du héros de Kotika. Ils se rendirent à l'invitation des sauvages à peau blanche et arrivèrent conduits par mon père, leur capitaine. En signe de bonne amitié, les Bonnie déposèrent leurs sabres et leurs fusils dans le carbet du piaï. On mangea, on but, on dansa tout le jour. La nuit venue, les Bonnie se retirèrent dans les carbets construits pour les abriter. À peine étaient-ils endormis qu'une clameur terrible retentit. Les Oyakoulés, trahissant la foi jurée, violant les lois sacrées de l'hospitalité, avaient saisi nos sabres et nos fusils dont ils se servaient comme de massues et égorgeaient nos guerriers sans défense. Les Bonnie, incapables de lutter, voulurent s'enfuir, mais ils trébuchèrent dans des lianes tendues à un pied de terre par les traîtres autour des carbets. Presque tous périrent. Mon père put s'échapper à la faveur de la nuit. Il arriva, accompagné des derniers survivants. Il avait reçu à travers la bouche un si furieux coup de sabre que depuis cette époque il est forcé, quand il veut parler, de retenir sa mâchoire qui retombe toujours. C'est cette horrible blessure qui lui a valu le nom de Kohaku, bouche tombée, sous lequel il est connu aujourd'hui. Une petite fille échappa en outre à ce terrible massacre. Les Oyakoulés la trouvèrent blottie dans les herbes. Ils ne la tuèrent pourtant pas et l'élevèrent avec leurs enfants. Plus tard, elle s'enfuit, se réfugia chez les Boches et de là à Suriname, où elle habite maintenant. Elle se nomme Afiba. Vous voyez, compère, que nous avons quelques raisons de connaître les Oyakoulés. C'est vrai, malheureusement, mon brave Angosso. Mais arrivons maintenant à la dernière catastrophe. Depuis 2 ou 3 ans, nous n'avions pas vu nos ennemis. Défiez-vous des Oyakoulés, répétait toujours mon respectable père, le vieux Kohaku. Ils se cachent comme les serpents. Veillez toujours, enfant, ils viennent au moment où l'on ne pense pas à eux. Il avait raison. Il y a autant de jours que mes deux mains et un de mes pieds comptent 2 doigts. Mes fils étaient occupés à récolter le manioc. Moi, je pêchais le kumaru avec ma femme Ajeda. Nous aperçûmes une colonne de fumée noire qui montait au-dessus du village. Nous saisîmes nos pagaies et notre canot vola sur les flots de la crique. Toutes les cases flambaient. Une troupe nombreuse d'Oyakoulés, après avoir égorgé les femmes et les enfants qui se trouvaient seuls, avait incendié le village entier. La plupart des hommes valides étaient à la récolte ou à la pêche. Ils accoururent aussi à la vue de la fumée, croyant à un accident, et furent massacrés par les bandits, 3 fois plus nombreux, qui se tenaient cachés dans les herbes. Mes fils arrivaient de l'abattis. Nous nous élançâmes au plus de rue, résolus à faire payer cher notre vie. Nous nous sommes bien battus. Je suis fier de mes enfants, comme vous des vôtres, mon cher compère blanc. Je tombais frappé à la tête et peu s'en est fallu que je ne subisse le sort de mon père. Ajeda me sauva, elle ramassa un tison enflammé et le lança dans la barbe d'un Oyakoulé qui s'enfuit en hurlant. Hélas, nous succombâmes sous le nombre. L'un des nôtres sont morts, les autres sont dispersés, nos champs ravagés, le village n'est plus. Votre pensée habitait toujours mon cœur. Je dis à Ajeda qui pleurait, « Viens chez le blanc. » Je dis à mon fils, dont les sabres rouges voulaient encore boire du sang, « Venez aussi chez mon frère blanc. » Ils ne me firent aucune question et nous partîmes. J'avais la fièvre, mais qu'importait à mon cœur désespéré la plaie de ma tête. Ma volonté fut plus forte que la douleur du corps. Mes fils franchirent les rapides. Je reconnus la crique. Nous nous y engageâmes sans nous arrêter une minute. Lomi et Bachelico ne connaissent pas la fatigue. Nous arrivâmes près des cocotiers. Je vis les arbres abattus, les feuilles du moukou-moukou et les plantes vertes aux longues épines. Je dis, là sont les serpents. Nous cachâmes la pirogue dans les herbes et nous gagnâmes par un détour le sentier que je voyais avec les yeux de la pensée. Je vis Casimir, je vis le blanc qui s'appelle Nicolas, je vis la femme blanche qui est la mère de vos enfants et je lui dis, le tigre blanc a dit au boni, quand tu seras malheureux, sans carbet, sans manioc, sans poisson, sans chair boucanée, viens. Je n'ai plus rien, me voici. Celle-là est Ajeda, ma femme. La femme blanche l'embrassa et lui dit, « Sois ma sœur. » Ajeda pleura de bonheur. « Ceux-là sont mes enfants. Ils seront les frères de mes fils, » dit-elle de sa voix douce, comme le chant de l'Arada, en leur tendant les mains. Lomi et Bachelico dirent, « Notre vie est à vous. » Je lui demandai, « Où est le tigre blanc ?»« Je veux voir mon ami, le grand chef blanc. Nous voulons voir nos frères, ses fils. » dirent Lomi et Bachelico. « Il est parti avec eux, » répondit Nicolas. « Je dis à mes fils, allons les rejoindre. » Nous retrouvâmes votre trace et nous arrivâmes au moment où l'immonde peau rouge osait porter la main sur des blancs, » termina le boni en crachant dédaigneusement à terre. « Mon cher Angosso, » répondit Robin, « tu me donnes toujours le nom de tigre blanc. J'accepte volontiers de toi cette appellation comme jadis. Si ce nom me reporte au temps douloureux de l'infortune, il me rappelle aussi le moment de la délivrance et le jour à jamais béni où je te trouvais sur l'îlot avec les miens. Je n'ai rien à ajouter aux paroles de celle que tu nommes la femme du tigre blanc. Ta compagne et tes fils sont pour la vie confondus dans une même pensée d'affection. Nous ne ferons plus désormais qu'une seule famille. N'est-ce pas, mes enfants ? » Une énergique poignée de main et une chaleureuse affirmation fut la réponse des jeunes gens dans le cœur desquels le souvenir de l'excellent noir tenait une si large place. Quant à ses deux fils, ils auraient trouvé, par cela même qu'ils étaient ses enfants, la sympathie la plus vive et la plus complète, quand bien même la reconnaissance n'en eût pas été la cause immédiatement occasionnelle. Angosso admirait en connaisseur la robuste stature des trois jeunes gens, dont il se rappelait les traits et les noms. Tant est prodigieuse la mémoire de ces primitifs enfants de la nature. L'affectueuse familiarité des Robinson avec ses fils le ravissait, et il manifestait à tout moment la joie que lui causait cette fraternelle camaraderie. Le brave Bonny semblait pourtant inquiet. Il n'osait faire part à Robin du motif de cette préoccupation, quelque désir qu'il en eût. Le proscrit lui en fit la remarque. Angosso entraîna son compère à l'écart et lui demanda d'une voix basse, que l'appréhension d'une mauvaise nouvelle rendait mystérieuse, où était « Piti Mouché Sarle, tout piti, piti Moun !» Tu veux dire Charles, n'est-ce pas, mon plus jeune fils ? Ça même. Que côté l'Ifika ? Mais tu ne l'as donc pas vu à la case avec sa mère, Nicolas et Casimir ? Non, compé, Mopavueli. C'est étrange. Sa mère ne t'a pas parlé de lui ? Madame ou pas prouvé. Mo arrivé, mo parti kaba côté où ? Votre femme n'a pas pu. À peine arrivé, je suis venu de votre côté. Cette absence m'étonne et m'inquiète. Rentrons au plus vite à la case. Qui peut prévoir les surprises que réserve en deux jours la vie des bois ? N'en sommes-nous pas la preuve vivante et vivante grâce à toi ? La dernière halte fut brûlée. Les Robinson, anxieux, exténués, arrivaient à la case une heure avant le coucher du soleil. Ils étaient partis depuis 48 heures. Madame Robin, revenue à la bonne mère avec la femme d'Angosso, Casimir et Nicolas, se tenait sur la véranda, dans une attitude d'attente douloureuse. Près d'elle, le jaguar accroupi léchait une plaie légère qui trouait d'un point rouge son pelage fauve. Le proscrit éprouva le pressentiment d'une catastrophe. Une douleur aiguë lui traversa le cœur comme un fer rouge. « Charles ! Où est Charles ?» cria la pauvre femme d'une voix déchirante en voyant qu'il n'était pas avec ses frères. Robin, muet, altéré, pâli, et ne trouva pas un mot de réponse. Le jaguar, reconnaissant Henri, bondissait vers lui en rugissant, se dressait sur les pattes de derrière en appliquant celle de devant sur les épaules du jeune homme. « Charles !» répondit comme un écho désespéré la voix des trois frères. « Disparu depuis 24 heures, » sanglota Nicolas, qui s'avançait, les yeux rougis, vieilli de 10 ans, en quelques heures. « Kat vient de rentrer blessée, j'allais partir. »« Où est mon enfant ?» hurla d'une voix terrible le proscrit dont la prostration ne dura pas le temps d'un éclair. L'infortunée mère se dressa, pâle comme un cadavre, ouvrit et referma convulsivement ses yeux sans regard et s'abattit lourdement sur le sol. Ageda, éperdue, la reçut dans ses bras et lui prodigua les soins les plus affectueux et les plus empressés. Robin était tout à coup devenu méconnaissable. Nul n'eût pu reconnaître en lui cet être habituellement si bon et si doux, cet apôtre de l'humanité, dont le noble visage reflétait toujours le même sourire affectueux et triste. Il était redevenu le formidable tigre blanc et apparaissait tel qu'il se révéla 10 ans auparavant sous le feu des Gartchiurm dont les balles menaçaient sa femme et ses enfants. Ses yeux noirs flamboyaient sous la ligne brune de ses sourcils rapprochés par une sorte de froncement léonin. Les tigres sont les cousins germains des lions, et que coupait verticalement un sillon livide. Sa voix sèche, ardente, avait des vibrations de métal froissé. La malheureuse mère reprenait lentement ses sens. « Partons à sa recherche, » dit-elle d'un accent brisé. « Seul, mon fils, un enfant dans la forêt. Partons. Demain, » reprit le proscrit dont les traits se creusaient encore et dont la pâleur augmentait. « Henri, Nicolas, apprêtez les provisions. Edmond, Eugène, préparez les armes, toutes nos armes. Casimir, les hamacs. Nous partons au lever du soleil. Attendre, encore attendre, » gémit la pauvre femme. « Mais mon fils nous appelle, mais il meurt peut-être en ce moment, et c'est la nuit des fauves. Oh, terre maudite de l'exil, je te hais !» Les préparatifs du départ s'opéraient rapidement, avec le sang-froid hâtif qui présida un sauvetage. Une douleur immense broyait le cœur à tous ses vaillants. Une lugubre atmosphère de deuil tombait sur la bonne mère, naguère si joyeuse. Mais les larmes étaient refoulées, les sanglots comprimés, les plaintes étouffées. Toute trace de fatigue avait disparu. Le souvenir du drame lugubre de la veille ne fut même pas évoqué. Rien d'étrange comme le calme douloureux de ces êtres habitués dès l'enfance à toutes les luttes, et qui, perdus dans cette solitude pleine d'horreur, s'apprêtaient, avec la simplicité du véritable héroïsme, à engager un suprême combat contre l'inconnu. C'était bien en effet l'inconnu, avec tous ses dangers, ses multiples surprises, ses complications les plus inattendues, ses aspects les plus monstrueux, l'inconnu de la nature inexplorée, dans lequel ils allaient se lancer à corps perdu. Casimir et Nicolas ne pouvaient donner aucun éclaircissement relatif à la disparition de l'enfant. Il était parti de la veille au matin vers l'abbatie du Nord, avec Kat, le jaguar d'Henri. La claustration lui pesait. Il était allé, armé de son arc, dans l'intention de tuer un aigle, une harpie féroce, qui depuis quelques jours commettait aux dépens de la basse-cour de nombreuses déprédations. Sa mère, habituée aux courses quotidiennes des Robinson, l'avait vu partir sans inquiétude. La journée se passa rapidement, grâce à l'incident inattendu et si agréable produit par l'arrivée d'Angosso et de sa famille. Mais l'absence de Charles se prolongeant jusqu'au soir, les membres de la colonie s'alarmèrent sérieusement. Pendant le jour et la nuit qui suivirent, les angoisses de tous furent inexprimables. Le Parisien, le vieux noir, cherchait à rassurer Madame Robin, à se rassurer eux-mêmes, en émettant cette opinion que l'enfant ayant peut-être retrouvé son père et ses frères avait pu se joindre à eux. Mais l'arrivée du jaguar blessé vint détruire cette fragile espérance et changer les angoisses en désespoir. Nicolas allait partir seul, à tout hasard, quand les Robinson avec le Bonny et ses fils se présentèrent à l'habitation. Charles n'était pas avec eux, on sait le reste. Et maintenant, quel pouvait bien être le sort du pauvre petit? Nul ne pouvait y penser sans frémir, tant était vaste le champ des suppositions, tant pouvaient être complexes les motifs de cette disparition mystérieuse. Le retour du jaguar était également inexplicable. Tat n'était pas un animal ordinaire. Docile et discipliné comme le meilleur chien de chasse, fidèle comme lui, dressé à tous les combats, vigoureux et fort autant que peut l'être un jaguar de 10 ans, rien ne pouvait motiver son incompréhensible retraite. Sa blessure, fort légère en somme, n'indiquait rien. Ce n'était ni une morsure, ni un coup de griffe, ni un coup d'instrument tranchant. Une pointe de flèche en bambou ou une branche taillée en biseau par le sabre d'abattis eussent pu seul produire cette piqûre étroite, à bord rétracté, qui n'avait amené qu'une hémorragie insignifiante. Les heures qui précédèrent le lever du soleil s'écoulèrent avec une lenteur horriblement pénible. Les Robinson, pâles d'insomnie douloureuse, évoluaient en silence, sans oser se regarder. Stoïques comme les hommes primitifs, ils avaient conservé en présence les uns des autres la rude impassibilité des soldats de l'ancienne Sparte. Mais qui dira les larmes brûlantes que cacha l'impénétrable nuit équinoxiale? La petite troupe, bien armée, abondamment pourvue de vivres, était prête au moment où le doux roucoulement du tokro annonçait la prochaine arrivée du jour. Les étoiles pâlissaient, une légère bande d'opale ourlait les sombres masses des arbres géants. Madame Robin apparut accompagnée d'Ageda, dont la silhouette noire, éclairée par une bougie de cirié, se découpait sous le gueuletage de la case. La femme du proscrit, coiffée d'un chapeau à large bord, vêtue d'une robe courte en tissu épais de coton blanc à plis lourds, était chaussée d'une paire de mocassins à semelles en peau de maille pourrie. « Partons, » dit-elle brièvement et d'une voix résolue, contrastant avec l'exquise douceur de son accent habituel. Robin fit un brusque mouvement de surprise. Il allait protester, elle ne lui en laissa pas le temps. « C'est inutile, mon ami, l'attente me tuerait, je veux venir. »« Mais tu n'y penses pas. Il te sera impossible de supporter malgré ton énergie une pareille fatigue. La marche dans les bois est écrasante. Je suis mère. Je serai aussi forte qu'aucun de vous. » »« Chère et vaillante compagne, tu es bien la digne mère de ces enfants, de ces hommes, dont la vigueur peut à peine triompher des rigueurs de cette terre ingrate. Je ne puis que te prier, t'implorer, reste ici. Nulle femme au monde ne pourrait marcher même une heure dans cette fournaise. Quand ils étaient tout petits, je suis venu sans hésiter à travers l'océan. J'ai bravé les fureurs de la tempête, surmonté les fatigues de la navigation. Cela a duré des jours, des semaines, des mois. Ai-je faibli ? Mère, dit doucement Eugène, qui avec son frère Edmond se détacha du groupe et s'en va lui prendre la main. Mère, je joins mes prières à celles de notre père. Tiens, puisqu'il le faut, nous restons avec toi tous les deux. La noble femme comprit tout ce que cette proposition renfermait de tendresse et d'abnégation. Elle secoua doucement la tête. « Nous le retrouverons, mon cœur me le dit. Je vais l'embrasser la première. Quel est celui d'entre vous qui voudrait me condamner à l'attente et me priver de cette ineffable joie ?» Ngosu avait entendu et compris la signification du débat. Il s'avança, accompagné de ses deux fils. « Lomi et Bacheliko, dit-il de sa voix lente, sont forts comme le Maïpouri et agiles comme le Kariakou. Que mon frère le tigre blanc se rassure, qu'il laisse venir dans le grand bois ma sœur la femme blanche, Ageda marchera près d'elle. Quand ma sœur sera lasse, mes fils la porteront dans un hamac, elle pourra nous suivre sans fatigue comme sans danger. Ma sœur, venez, ne craignez rien, les fleurs de la forêt peuvent braver sous les grands arbres les rayons du soleil. »